un jazz politique, c'est juste un jazz d'idées, un jazz engagé, un jazz qui fait jaser. Je balance comme ça me vient tout ce qui me fait réagir, tout ce qu'on nous jette à la télé et tout ce qu'on nous fait lire. On peut arrêter toute une armée en marche, mais on ne stoppera jamais une bonne idée qui tâche. Alors tâchons encore et encore de faire entendre nos voix sans attendre la mort. Sur le papier, on a le droit de grève, mais on nous envoie la police dès que les stocks s'achèvent. Pour manifester notre mécontentement, on a le droit de marcher, mais pas de sortir du rang. Soit dit ça, pour notre sécurité, on nous envoie les CRS pour venir nous matraquer. Coluche le disait déjà il y a des années, mais un accident de moto est si vite arrivé. C'est pas un jazz politique, c'est juste un jazz d'idées, un jazz engagé, un jazz qui fait jaser. Je balance comme ça vient tout ce qui me fait réagir, tout ce qu'on nous jette à la télé et tout ce qu'on nous fait lire. On peut arrêter toute une armée en marche, mais on ne stoppera jamais une bonne idée qui tâche. Alors tâchons encore et encore de faire entendre nos voix sans attendre la mort. Un homme militaire pour un pays pacifique, n'a-t-il pas un problème dans leur vision de la logique? Les traditions et les dates nous mènent encore la vie dure. À l'aube du millénaire, nous devions abattre ce mur, faire disparaître les amendes pour outrage ou drapeau. Bordel, c'est qu'un bout de tissu comme ce que j'ai sur la peau. Oubliez ce symbole de la monarchie limitée, il y a d'autres problèmes sur lesquels se concentrer. C'est pas un jazz politique, c'est juste un jazz d'idées, un jazz engagé, un jazz qui fait jaser. Je balance comme ça me vient tout ce qui me fait réagir, tout ce qu'on jette à la télé et tout ce qu'on nous fait lire. On peut arrêter toute une armée en marche, mais on ne stoppera jamais une bonne idée qui tâche. Alors tâchons encore et encore de faire entendre nos voix sans attendre la mort. Ba-da-da-da-da, da-da-da. We'll be right back.